si seuls les petits gibrés voudraient imiter mes flics vite fait. T'as ni pigé, ni t'as mis l'idée, tu m'as irrité. Pas milité, je sais pas, dessiné, si je m'y mets, tu vas halluciner chez moi, c'est qu'il est signé, signé, c'est yo. Depuis le lycée, yo, bah, il fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tasses et les clashs et les places au fond de la classe, on le sait, c'est le prévu pour pioncer. Je milité mes phases, imiter les sages pour désir aux misinosos. Visiliser entre les pages, ancrer les marges, le savoir est une arme. Je suis barge, moi je vais l'utiliser. Piou, piou, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner, donc voter ne m'excite plus. Et c'est facile de perdre espoir comme de mater les infos. Avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros. Passe un soir sans m'écouter, je te dis c'est déjà intro. C'était que l'intro. Mais là faut que je m'exprime, car c'est bien beau dans le micro d'aligner des rimes. Préviens les victimes. Dehors, y'a plus de roro, essaye un peu à cause de clear stream. Mais que fais-tu, peuple? Tu baisses les bras, tu laisses l'État se faire niquer, c'est ça? Comme si tu croyais pas, comme si tu croyais plus. C'est la fin de la démocratie, un peu à cause de toi. Pourtant, le peuple est cloué au sol, hein. Le peuple s'enlise. Mais la force est en lui, non seulement moi j'y crois, mais y'a des sages qui le disent. C'est ça, le peuple s'enlise. Il reste cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il décolle, sidérer les masses pour qu'elles s'affolent, réparer nos armes à coups de bricole. On rafistole et tu te demandes pourquoi des tonnes de gars se noient dans l'alcool, s'envoient des drogues dures, se font péter la cervelle. Viens voir, c'est dur d'assumer le réel. Des sous-mentales à l'appel à chaque jour passé aussi près que tu devrais d'aide pour chaque million brassé. Mais perdre espoir, c'est facile comme regarder les infos. Avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros. Vas-y, passe à soi sans m'écouter, c'est déjà un pro. C'était que l'outro, facilement. Que l'outro, que l'outro, facilement. Au départ, pour l'intro, je voulais faire une improvisation. En guise d'intronisation, classe. Mais à la place, je vais briser la glace. Ça passe ou ça casse, atomisation, attentat. Je suis parti comme en 40. Attends-toi à plus fort que de l'asile de salle d'attente. Ou bien d'ascenseur, oui, j'en sens mes lyrics censés penser comme des fuck au censeur. Tu veux fermer ma bouche? Je lèverai mon majeur. Il est temps que l'on couche l'industrie et les majors. Trop longtemps qu'ils touchent nos royalties. Achète un royal cheese, c'est encore eux qui mangent. C'est encore eux qui mangent. Toujours eux qui mangent. Te demandes-tu qui c'est qui mange? Qui c'est qui mange? Je m'en bats les couilles, ça me dérange pas. En vrai, ça peut être n'importe quoi. Mange ce que tu veux, mange pourri si tu veux, mon gars. Mais bon, c'est toi qui prendras cher à la fin. Tu t'amuseras à faire le lapin, à manger des carottes pour sauver ce qui te reste de santé, ce qui te reste de. Qui stresse à planter, je ne sais que dire, mais bon, ça va partir, ça va chanter, ça va partir dans ma tête. Je vais aller chercher toutes les rimes honnêtes dont j'avais besoin pour marcher sur ce beat, car je le trouve bon. Oui, l'instrumental est là, c'est des musiciens, pardon. Non, je voulais pas vous mépriser, pas de traumatisme. On n'est pas là pour faire les tismes. Moi, je suis blanc et je l'assume, c'est pas grave, mais bon, j'ai le groupe quand même pour les sistras dans la salle, s'il y en a. Mais ça m'étonnerait, car on est bien entre mecs plutôt posés. Peut-être qu'il y a des meufs même, en vrai, j'en sais rien, c'est ça l'internet. Il se passe des trucs pas bien derrière les écrans, c'est chelou. Ça part en couille dans ma tête, ouais t'as vu, c'est fou. Ça me met mal à l'aise, je vais essayer de trouver un texte, histoire de pas retomber dans le... comme une veste qui se retourne ou je ne sais quoi. Que faire là? te parler de ce que je vois. Type avec une perruque orange, c'est chelou, gars, mais bon, on dirait que ça le dérange pas. Il tourne la tête sur les côtés comme s'il était stylé. Et moi je le fais aussi. C'est pas si je vois des textes, c'est normal ici, y'en a partout. Même si je sais que c'est fou, ça peut te paraître, mais bon, je suis un MC, ok. J'essaie de trouver quelques rimes, y'a un petit texte ou bien une petite frime, un petit truc genre ego trip ou quoi. Que se passe-t-il? On va essayer de trouver ça, ok, ça fait ça, les bouffins. Je sens que tu vas flipper. Tu sais que je criquerai même quand ma peau sera flippée. Toi, au fond, tu t'agrippes. Moi, le bas, tout, tout bas, je pose et tu commences à flipper. Je murmurais ton cerveau au fond, moi. Vu comment j'assure ainsi fond, mes diverses natures, les choses se passent à fond. Ma cam est pure et t'aspire comme un siphon dans ma tête gravite. Y'a des mises ont guidées, mon cerveau va trop vite, obligé de le brider. Faut que t'arrêtes la lutte. Si tu prends du bide et ton cerveau à toi, et bien il finira guidé. Toi-même tu sais qui c'est qui kiffe le mic. Bad, invite un texte et je bute les watts. À l'aise, j'ai des pouvoirs au microphone. En vrai, je suis balèze, mais écoute si sauter d'une falaise. Tu t'écrases comme une braise. Tu me prends de la peau. Un beat, un texte, c'est ça mon job. Vas-y, déteste, viens me sucer le zob. Moi je m'en bats les couilles. Même si c'est vrai, t'as une vie triste, viens me péter. Je te passe de près comme ma Fleet Street. Les gens les tranchent et les coups, les rangent et les coups. Maintenant des fous, maintenant c'est cool, je vais danser les fous. Et dans ma tête, y'a des restes de quand j'étais sous. Et quand j'ai des sous, j'oublie direct que le monde il est fou. Je peux manger, c'est tout. Pas besoin du pactole, pourquoi planter un peu plus pire. Le pain du pape, l'homme. Pas ton pillard d'alcool, c'est débourré les poules et pourrait pointer ta bagnole. Ta parole, comme dirait Danny Dan, je flippe comme un acrobat, tout ce satané Jackie Chan. Monde là, car c'est moi qui plante, je kill comme un automatique, c'est les armes pratiquement. Ceux qui savent plaire. Oula. Regarde la caisse claire. Mais ça fait laisse ceux qui savent plaire. Faire laisse ceux qui savent plaire. Et dès que je rate, je pourrais fumer deux à deux tous les MC Wack avec de la bœuf. Mais là je veux parfaire de rageux. Je ne suis pas là spécialement pour faire de l'argent. Je ne suis pas si facilement monsieur l'agent. Je ne fuis jamais un grand agent. Ok, là, ne connais pas là, c'est chaud. On va partir sur autre chose car je m'en mêle. Et c'est pas grave, tu sais aussi que je m'envole. Si je viens sur le beat en improvisation, tu sais que ça peut kiffer autant qu'un texte. Abomination, un peu bizarre au milieu. Que te dire, tu sais que je n'ai pas des moraux. Je dis n'importe quoi sur le beat, mais bon, tu sais que ça roule. Si tu comprends pas le français, t'entendras comme Jacques Mesquine qui braque un truc avec qualité, avec astuce, avec. Je n'ai plus de mots et ça galère, ça s'use, mais bon, t'as vu l'heure qui est. 3h37 du matin, que se passe-t-il? On n'est pas au tapin, on est là en train de faire de la zik. C'est pas si difficile. tout métif, j'ai un canif tactique. Du ciboulot quand d'autres s'étouffent. Pour sadique du boulot, mangera pas bon souffle, comme un asthmatique sous l'eau. Et pourtant je manque pas d'air, comme le grognement d'un tigre. Je suis comme le maniement du sabre. Tu pensais me gérer, mais j'ai les raisons de générer des lésions, fédérer, discret, défêler légions, anonymer le peuple qui se lève et lutte. Je ne suis qu'un humain parmi tant d'autres, et pendant la chute de ce système, je le toise depuis les cieux, vieux, les étoiles dans les yeux. Il est grand temps que l'amour prenne sa place, il est grand temps que l'amour règne face à la montée de ce que tous craignent. Je me dis si ça casse, ça passe, il est temps que Babylone saigne. Ça frappe comme une enclume, donc s'il te plaît, mets donc un peu plus de volume et fais oyer. Quand j'ai le micro en main, je veux t'entendre crier, te voir danser comme un gamin. J'amasse les rimes, noircis les pages de cahier. Le temps, c'est l'argent. Un jour, ça va payer, on en veut plus, plus. C'est la nature humaine, chacun son thème. Plus d'amour, plus de haine, y'en a qui veulent plus de billets. N'auront que plus de problèmes. Si tu attends plus de respect de ma part, pas de veine, car je lâche rien.